Même si c'est qu'il faut se battre, nul n'en sortira intact. C'est des impacts, mille et une pattes, mille et backpacks, mais ton gilet pas. Il faut apprécier la vie à sa juste valeur. Pense aux enfants partis avant d'être majeur. Profite de chaque instant, vis le moment présent. N'écoute pas les médisants et va toujours de l'avant. Touché par la mort, près de rapproche nous rend plus fort. C'est triste, mais ça fait partie du décor, c'est hardcore. Redonne un sens à ta vie, ne pleure pas pour une simple carie. Imagine tes deux parents partis, tu te retrouves seul, sans amis, sans abri. Imagine ton corps stérile, la procréation te sera impossible. Même en pratiquant, en suivant les conseils de la Bible. Imagine ton corps fragile, extrasensible à la maladie. Chaque virus ce sera un coup de fusil. Imagine avoir un corps paralysé, à rester alité toute la journée. Imagine perdre ton enfant, ton unique descendant. Imagine avoir une mâchoire sans aucune dent. Tout ça pour vous dire, notre vie n'est pas si mal que ça. Le tout c'est de faire les bons choix. Notre vie n'est pas si mal que ça. Le tout c'est de faire les bons choix. Et pourquoi et pourquoi pas. Profite de chaque instant, vis le moment présent. N'écoute pas les médisants et va toujours de l'avant. Même si c'est dur, il faut se battre. Il faut apprécier la vie à sa juste valeur. Pense aux enfants partis avant d'être majeur. Profite de chaque instant, vis le moment présent. N'écoute pas les médisants et va toujours de l'avant. Imagine un continent sans médecin ni hôpitaux, où une simple grippe t'emmènera sous le tombeau. Imagine une vie sans amour, où tu frappes ta femme au lieu de lui faire l'amour. Imagine ton pays sans eau potable, où le luxe est de manger autour d'une table. Imagine sous un froid glacial, sans feu ni couverture pour remonter ton moral. Profite de chaque instant, vis le moment présent. N'écoute pas les médisants et va toujours de l'avant. Même si c'est dur, il faut se battre. Nul n'en ressortira intact. Il faut apprécier la vie à sa juste valeur. Pense aux enfants partis avant d'être majeur. Profite de chaque instant, vis le moment présent. N'écoute pas les médisants et va toujours de l'avant. Il faut apprécier la vie à sa juste valeur. Pense aux enfants partis avant d'être majeur. Profite de chaque instant, vis le moment présent. N'écoute pas les médisants et va toujours de l'avant. Je balance mes rimes en vrac, j'éclate. Si tu testes, tu te manges des claques. Des grosses claques, des beaux mots au cœur. Des grosses barres dans le boulot.